إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture et la traduction et les quelques commentaires sur le livre Tabsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik de l'éminent savant Al-Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait terminé de traiter le sujet du tawaf, le chapitre du tawaf, des tournées autour de la Kaaba, et on avait entamé le chapitre de l'eau de Zamzam. On avait terminé également le chapitre de l'eau de Zamzam et on avait entamé le chapitre du Sa'i, du trajet entre As-Safa et Al-Marwa, et on s'est arrêté au deuxième point. ثم قال حفظه الله ثالثا ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه Troisièmement, il dit حفظه الله que d'être en état de pureté n'est pas une condition pour accomplir le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, car aucune preuve ne vient appuyer cela. Et Ibn al-Munzir a dit dans son livre Al-Ijma', et ils sont unanimes, que celui qui fait le sa'i entre les trajets entre As-Safa et Al-Marwa sans être en état d'ablution, que cela est valable et compté. Rabi'an, aslu sa'i fi'lu ma fi'lu Hajar umm Isma'il. Fi'lu Hajar umm Isma'il wa qissatuha fi sahih al-Bukhari 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa fiha qala Ibn Abbas qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhalika sa'yu an-nasi baynahuma. Quatrièmement, l'origine du sa'i est ce que Hajar, la mère de Ismaïl, a fait entre les monts As-Safa et Al-Marwa. Et cette histoire est racontée notamment dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et dans ce récit, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » et c'est pour cela que les gens font le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. Et l'histoire est connue de tous lorsque Ibrahim alayhi salam a laissé sa femme Hajar accompagnée de son fils qui était encore bébé et qui était allaité. Et lorsque Hajar n'avait plus de lait et n'avait plus de quoi nourrir son enfant, eh bien, elle était à la recherche d'une caravane qui pourrait la secourir, elle et son enfant. Elle montait donc sur le mont As-Safa, elle regardait s'il n'y avait pas une caravane, puis elle descendait et une fois arrivée dans le plat, la vallée, elle accélérait pour monter sur l'autre mont afin de ne pas louper une caravane qui passerait par là. Et ces allées-venues de Hajar entre les monts As-Safa et Al-Marwa, et c'est pour cela que les gens, et les pèlerins et les mu'tamirin font le sa'i entre ces deux monts, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, wa sa'i la yu'ta bihi illa fi hajjin aw umrah. وهو ركن فيهما كما تقدم ولا يؤتى به تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. وأما قول الله عز وجل ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة. قال ابن جرير في تفسيره ومعنى ذلك فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه، فمجازيه به عليم بما قصد وأراد عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الطحاوي أنه قال لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله ومن تطوع خيرا، لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر باب بيان أن السعي لا يكرر قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. طوافه الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة. وقيل في معنى ذلك ومن تطوع خيرا أي فعل فعلا شرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييده التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. في الجي حفظه الله تعالى le cinquième point que le sa'i n'est accompli que lors du pèlerinage ou de la umrah. Et ce sa'i et ce même sa'i, ces mêmes trajets entre As-Safa et Al-Marwa sont un pilier, que ce soit du Hajj ou de la Umrah comme cela a été vu précédemment. Et l'on ne fait pas de sa'i surérogatoire, car aucune preuve ne vient appuyer cela. Quant au tawaf, l'on peut le faire de façon surérogatoire, comme cela a été précédemment cité lorsque le cheikh a traité le chapitre du tawaf. Donc le sa'i, on ne le fait que pendant le hajj ou pendant la umrah. On ne fait pas de sa'i surérogatoire car rien ne vient le prouver. Puis il dit, حفظه الله, quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Allah est reconnaissant et omniscient. Dans quel contexte Allah Azza wa Jal a dit ces paroles? Dans le contexte du Hajj et de la Umrah, et même plus particulièrement, dans quel verset? إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Donc Allah Azza wa Jal a cité ceci, la fin du verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de As-Safa et Al-Marwa comme étant des emblèmes de du Hajj. Il dit, حفظه الله, Cheikh Al-Abbad, que ce qui est voulu par at-tatawwu', le fait de faire de son propre gré, une bonne œuvre, que cela concerne le hajj et la umrah. C'est-à-dire celui qui fait de façon surérogatoire un pèlerinage ou une umrah, eh bien, qu'Allah Azza wa Jalla sera reconnaissant et omniscient. Et on verra par la suite que reconnaissant, Allah Azza wa Jal le récompensera et sera reconnaissant vis-à-vis de lui. Et Allah est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement ce pourquoi cette personne a fait ce pèlerinage ou cette umra surérogatoire et quelle en a été sa véritable intention. Il dit, hafidhahullah, qala ibn Jarir fi tafsirih. Donc, l'imam ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir, le sens de cela, de ce verset, est que celui qui fait de façon surérogatoire le hajj et la umra, après avoir accompli son pèlerinage obligatoire, alors Allah Azza wa Jal sera reconnaissant vis-à-vis de lui de par les bonnes œuvres qu'il a accomplies de façon volontaire de sa part. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal récompensera ses œuvres dans lesquelles la face d'Allah a été recherchée. Donc, à condition que ses œuvres aient été faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de l'intention et du but pour lequel celui qui a accompli un pèlerinage ou une umra surérogatoire l'a accompli. Et Al-Hafidh ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, cite une parole de Al-Tahawi dans laquelle il dit qu'il n'y a pas de preuve pour celui qui dit que le sa'i est surérogatoire. Il n'y a pas de preuve pour ceux qui disent que le sa'i est surérogatoire et recommandé en utilisant la parole d'Allah Azza wa Jal, wa man tatawwa'a khayra, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre. Car ceci, ce qui est voulu par cela est le hajj et la umra, non le sa'i. Ce qui est voulu par cela est le hajj et la umra, non le sa'i. Et ceci à l'unanimité, et ceci également, car les musulmans sont unanimes, que le fait de faire le sa'i en dehors du hajj et du pèlerinage, que cela n'est pas légiféré. Que cela n'est pas légiféré. Puis il dit, hafidhahullah, il cite la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre « Sharh Sahih Muslim », dans lequel il explique le hadith de Jabir radiallahu anhu, le chapitre, que le sa'i n'est pas répété, que le sa'i ne se fait pas à plusieurs reprises. Et il cite la parole de l'imam Nawawi rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait de trajet entre As-Safa et Al-Marwa, lui et ses compagnons, qu'une seule fois. Qu'une seule fois, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sa'i, a fait le quel hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quel type de hajj? Qiran. Et dans le qiran, il y a combien de sa'i? Il n'y en a qu'un seul. Donc ceci prouve que, donc l'imam Nawawi rahimahullah a dit, ceci prouve que le sa'i dans le hajj ou la umra ne se répète pas et ne se fait pas à plusieurs reprises. Au contraire, l'on se contente de le faire qu'une seule fois. Et il est détestable de le faire à plusieurs reprises, car c'est une innovation. Il a été dit, et d'autres mufassirines ont dit, que la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا » et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, que cela concerne toutes les adorations qu'il est légiféré d'accomplir de façon surérogatoire, comme la prière, l'aumône, le jeûne, le hajj, la umra, la lecture du Coran et autres. Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah, dans son explication, dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué cette parole d'Allah Azza wa Jal, « وَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا » après avoir cité que cela inclut également toute forme d'adoration qu'il est autorisé d'accomplir de façon surérogatoire, il dit, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Sa'di, ceci prouve que Plus le serviteur fait de bonnes œuvres dans lesquelles il obéit à Allah Azza wa Jal, eh bien, le bien de cette personne augmente, ses degrés sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, plus elle fait de bonnes œuvres et plus elle se complète, et ceci de par l'augmentation de sa foi. Plus ta foi augmente, plus tu es meilleur, et plus tes degrés auprès d'Allah Azza wa Jal, plus tu es élevé en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait restreint cela au bien, car Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, celui qui fait de bonnes œuvres, celui qui fait des œuvres surérogatoires mais bonnes, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Donc ici Allah Azza wa Jal a restreint le fait de faire de son propre gré les bonnes œuvres, khayran. Et si on voit la finesse des savants, rahimahumullah ta'ala, car Cheikh Sa'di, rahimahullah, dit que cette restriction d'Allah Azza wa Jal au fait d'accomplir des œuvres surérogatoires à condition qu'elles soient bonnes prouve que celui qui fait des innovations de façon de son propre gré, de façon surérogatoire, des innovations qu'Allah Azza wa Jal, que ni Allah Azza wa Jal ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont légiféré, que cette personne ne récoltera de cela que la fatigue et il n'aura aucun bien, il n'obtiendra aucun bien, car Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, celui qui de son propre gré fait de bonnes œuvres, alors Allah sera reconnaissant, c'est-à-dire qu'il le récompensera, et Allah est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement. Donc si il fait des innovations répétées, des adorations qui n'ont été légiférées ni par Allah ni par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de les faire plusieurs fois, eh bien, il ne gagnera de cela que la fatigue. Et il n'obtiendra pas de récompense, car son acte n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, بَلْ قَدْ يَكُونُ شَرًّا لَهُ. Au contraire, cela peut être même un mal pour lui, s'il fait cela de façon volontaire, tout en sachant que cet acte n'est pas légiféré. Donc celui qui fait une innovation sans savoir que c'en est une, ou parce qu'il a fait confiance à des personnes qui ne sont pas des gens de science et qui ne sont pas connus pour leur droiture et leur suivi du Coran et de la Sunna, alors il récoltera de cela la fatigue et il n'aura pas de bien. Par contre, il a un mal, il aura des mauvaises actions, s'il le fait de façon volontaire, tout en sachant que cela n'est pas légiféré. ثم قال رحمه حفظه الله تعالى الحلق أو التقصير. Puis il entame le chapitre حفظه الله تعالى du rasage ou du raccourcissement. Quand on parle de rasage et de raccourcissement, bien sûr, on parle des cheveux. اولا الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج والعمره وتقدم ذلك مع ذكر الادله في واجبات الحج والعمره. Premièrement, le fait de raser ou de raccourcir ses cheveux est une obligation parmi les obligations du hajj et de la umrah. On avait vu que al-halq ou al-taqsir sont une obligation commune à la fois au Hajj et à la Umrah. Car la Umrah, il y a combien d'obligations? Deux, la première qui est Al-Ihramu min al-Miqat. Al-Ihramu min al-Miqat. Les obligations de la Umrah, Al-Ihramu min al-Miqat, de faire l'Ihram depuis le Miqat, et la deuxième qui est le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Et les preuves de cela ont été cités, donc les preuves de l'obligation de raser les cheveux ou de les raccourcir, pendant le pèlerinage ou la Umra, et la Umra ont été cités dans le chapitre précédent, dans le chapitre des obligations du Hajj et de la Umra. ثانيا والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وفيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة رواه البخاري ومسلم ولما في إزالة الشعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. Puis il dit, hafidhahullah, que le fait de raser les cheveux est meilleur que de les raccourcir au moment où l'on se désacralise du pèlerinage. Cela est valable également lorsque l'on se désacralise de la umrah pour celui qui n'est pas mutamattir. Quant au mutamattir, s'il se désacralise de la umra avant le hajj d'une durée dans lesquelles les cheveux peuvent repousser, alors dans ce cas, de raser est meilleur. Donc, celui qui accomplit le tamattu', il commence par accomplir la umra. Il y a 2 cas. Soit il y a un temps suffisant entre la umra et le hajj pour que un minimum de cheveux pousse pour qu'il puisse être rasé le jour de Yawm al-Nahr, le 10e jour de Dhul-Hijja. Soit il n'y a pas assez de temps pour que les cheveux poussent. Donc, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, cite les 2 cas de figure. Le premier, lorsqu'il y a assez de temps entre la fin de la Umra et le 10e jour de Dhul-Hijja pour que les cheveux poussent un minimum pour pouvoir être rasés une nouvelle fois. Dans ce cas, de raser après la Umra est meilleur. Par contre, si le fait de se désacraliser de la Umra est proche du pèlerinage, alors le mieux est de raccourcir les cheveux afin de laisser les cheveux pour les raser lorsqu'il se désacralisera de son pèlerinage. Et il cite la preuve de cela, hafidhahullah ta'ala, car les compagnons, radiyallahu anhum, qui ont fait le tamattu' en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, ils sont arrivés le 4e jour de Dhul-Hijjah. Il y avait donc combien de jours entre le jour où ils ont terminé, le jour où le jour de Eid al-Adha, Yawm al-Nahr, 6 jours. Et les compagnons qui sont rentrés en tamattu', une fois qu'ils ont terminé leur umra, ils ont raccourci leurs cheveux. Ils ne les ont pas rasés. Comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, qui raconte en détail le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir radiyallahu anhu a dit, فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا. Les gens se sont tous désacralisés et ont raccourci leurs cheveux, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient apporté avec eux leur hadith, car eux, ils sont restés en état de sacralisation car ils étaient qarin et ils avaient avec eux leur hadi. Et le rasage des cheveux, en dehors de ces cas de figure, est meilleur que le fait de les raccourcir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué le pardon d'Allah azawajal en faveur de ceux qui se rasent à 3 reprises et en faveur de ceux qui se raccourcissent les cheveux une seule fois. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça, c'est une des raisons qui prouve que de raser les cheveux est meilleur que de les raccourcir. Et la deuxième raison est que le fait de délaisser, d'enlever les cheveux, d'enlever tous les cheveux, le pèlerin délaisse une des choses qui l'embellissent. Est-ce que les cheveux embellissent? Oui ou non? Oui, les cheveux embellissent. Et le fait que le pèlerin enlève une forme d'embellissement pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cela prouve que c'est meilleur que de les raccourcir. Car lorsqu'on les raccourcit, on maintient les cheveux. On maintient une partie des cheveux, ou en tout cas des cheveux raccourcis, mais les cheveux restent présents. Quant au fait de l'enlever, de raser, et l'on verra ce que signifie raser, le cheikh va l'expliquer par la suite, eh bien, le pèlerin le fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse cela. Et la récompense, et cet acte est d'autant plus valeureux, plus les cheveux de la personne sont beaux. Et combien de personnes qui accomplissent le pèlerinage ou la umra se rasent, pour certains, si ce n'est pas pour beaucoup, la première fois de leur vie. Et on voit même des gens qui sont émus lorsqu'ils se rasent les cheveux. Tous ceux qui ont l'habitude de les laisser pousser ou de les entretenir, etc., etc. Le fait de raser leurs cheveux n'est pas une chose facile pour eux, mais ils le font en guise d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se raser les cheveux ou de se les raccourcir après le hajj ou la umrah, cela est une adoration. Cela est une adoration et c'est un moyen à travers lequel le pèlerin ou le mu'tamir se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Thalithan, والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية والحلق بالموسى وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة أي بقدر طرف الإصبع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود عن ابن عباس بسند صحيح. Troisièmement, le fait de se raser les cheveux ou de se les raccourcir pour les hommes concerne la globalité des cheveux. Il ne suffit pas donc de raccourcir une partie des cheveux et de laisser une autre partie. De la même façon qu'il ne suffit pas de raser une partie des cheveux et de délaisser une autre. Le raccourcissement a lieu par un ciseau ou par une tondeuse, ou par une tondeuse. Quant au rasage, il n'a lieu que avec une lame de rasoir. Donc ceux qui utilisent une tondeuse, même sans sabot, et qu'ils la passent sur leur tête et qu'ils tondent leurs cheveux, cela est considéré comme un raccourcissement. Comme un raccourcissement des cheveux et non comme un rasage, même si en apparence, cela ressemble à un rasage, mais cela n'en est pas un, car le rasage n'a lieu qu'avec une lame de rasoir. Quant à la femme, elle prend ses cheveux, et les savants disent qu'elle assemble ses cheveux, elle prend ses cheveux, elle les assemble derrière, et elle les réunit, et ensuite, le bout des cheveux, elle saisit le bout des cheveux, et elle raccourcit la taille d'une phalange. بقدري أنملاه أي بقدري طرف الإصبع. الأنملاه c'est la phalange. La preuve est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas de rasage pour les femmes, mais les femmes se raccourcissent les cheveux. Et le hadith est authentique, rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, selon Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما. رابعا يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه أو يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. Puis le Cheikh حفظه الله cite le quatrième et dernier point concernant le rasage et le raccourcissement des cheveux. Il cite un quatrième point qui est une question qui revient assez souvent. On a vu pendant les interdits de l'ihram qu'il est interdit de se couper les cheveux ou d'arracher quelconque poil de son corps. Puis ici, Cheikh Al-Abed parle du sujet de celui qui se désacralise du hajj et de la umra en coupant ou en rasant lui-même ses cheveux. Est-ce qu'une personne qui vient d'accomplir la Umrah a le droit de se couper lui-même ses cheveux, ou est-ce que obligatoirement il doit les faire couper par une autre personne? Et cette personne doit-elle être désacralisée, ou est-ce qu'une personne en état de sacralisation peut couper les cheveux de quelqu'un d'autre? Il y a deux cas de figure. Est-ce qu'il est autorisé à une personne qui vient d'accomplir sa umrah, donc qui est toujours en état de sacralisation, de se couper lui-même les cheveux? Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième, a-t-il le droit, lui, en état de sacralisation, de couper non pas ses cheveux ou de les raser, mais de couper et de raser les cheveux de quelqu'un d'autre? Et cela a lieu pendant le pèlerinage et la umrah, surtout pour ceux qui sont dans la même chambre, par exemple, et qui ont amené une tondeuse avec eux, et qui préfèrent se couper les cheveux eux-mêmes, ils entrent tous dans leur chambre, et certains demandent, tu me coupes, je te coupe, d'accord. Et certains se posent la question, oui, mais est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit? Donc, Cheikh Al-Abed, hafidhahullah, dit qu'il est autorisé à celui qui se désacralise du hajj ou de la umra de se couper lui-même, ses cheveux ou de les raser. Car il y a des gens qui savent se raser eux-mêmes les cheveux. De même qu'il lui est autorisé de raccourcir ou de raser les cheveux d'autrui. Car cela revient à faire une obligation parmi les obligations du hajj et de la umra. Et cela n'est pas considéré comme ayant fait un interdit parmi les interdits de l'ihram. Donc cette personne, pourquoi elle se coupe les cheveux elle-même? Parce que c'est une obligation de la umra. Il ne le fait pas en tant que interdit de l'ihram. ثم قال حفظه الله الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. Puis il entame حفظه الله تعالى le chapitre de l'état de sacralisation pour le pèlerinage le huitième jour de Dhul Hijjah depuis la Mecque, puis le départ pour Mina. أولا يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية من منازلهم في مكة ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك وكذا غيرهم من أهل مكة وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. Entre en état de sacralisation les gens de la Mecque et ceux qui sont désacralisés et qui s'y trouvent. Et qui s'y trouvent, c'est-à-dire à la Mecque. Parmi ceux qui ne font pas partie des habitants de la Mecque. Donc, ils entrent en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage. Et ceci, le huitième jour de Dhul-Hijjah, qui est appelé aussi Yawm al-Tarwiyah. Ils font l'ihram pour le pèlerinage depuis leur lieu de résidence à la Mecque. Depuis leur lieu de résidence à la Mecque. Pour les gens de la Mecque, depuis leur maison. Et pour les gens qui n'habitent pas à la Mecque, depuis leur hôtel ou leur lieu de résidence. Puis, ils se rendent à Mina pour y prier les prières de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib, de l'Isha et la prière du Fajr. Des prières raccourcies sans être réunies. Qasran biduni jam'a. Donc, le huitième jour de Dhul-Hijjah, ceux qui sont désacralisés et les gens de la Mecque. Quand on dit ceux qui sont désacralisés, c'est ceux qui ont fait le tamattu', ceux qui ont fait le tamattu' et qui entrent en état de sacralisation pour accomplir le hajj. Donc eux et ceux qui sont restés en état de sacralisation comme le qarin et le mufrid. Donc lorsqu'ils vont à Mina, ils vont prier al-dhuhr deux raka'at à son heure, al-asr deux raka'at à son heure, al-maghrib trois raka'at à son heure, al-isha deux raka'at à son heure, al-fajr deux raka'at à son heure, sans donc les réunir. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient désacralisés de leur umrah, ont fait ainsi. Et cela concerne, donc le fait de partir à Mina concerne également وَكَدَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةِ également les habitants de la Mecque, donc qui étaient à la Mecque, ont fait également ainsi. Et quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui avaient apporté le hadith avec eux, ils sont restés bien sûr en leur état de sacralisation. Celui qui se rend à Mina avant le huitième jour. Celui qui se rend à Mina avant le huitième jour. Lorsqu'entre le huitième jour, il doit entrer en état de sacralisation. Quand on dit il doit, mimbab al-istihbab, que cela est recommandé, ce n'est pas une obligation. Donc celui qui se trouve à Mina avant le huitième jour, celui qui va à Mina par exemple le septième jour, lorsque vient le huitième jour, a-t-il le droit de faire son ihram depuis Mina ou doit-il rentrer à la Mecque pour faire son ihram, rentrer en état de sacralisation pour accomplir le hajj et ensuite retourner à Mina? Cheikh Al-Abbad dit qu'il entre en état de sacralisation depuis Mina et il ne lui est pas obligatoire de retourner à la Mecque pour y entrer en état de sacralisation. ثانيا ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج ولا أن يقدموا سعي الحج بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك بل أحرموا وذهبوا إلى منى. Deuxièmement, ceux qui entrent en état de sacralisation depuis la Mecque, parmi les habitants de la Mecque ou ceux qui ne font pas partie des habitants de la Mecque, ils n'ont pas à se rendre à la mosquée sacrée de la Mecque pour y entrer en état de sacralisation. Car certains pensent qu'il faut aller à la mosquée sacrée pour entrer en état de sacralisation. Ni de faire un tawaf d'adieu avant d'accomplir le pèlerinage. Certains font un tawaf comme un tawaf d'adieu avant de commencer le pèlerinage, au cas où il leur arriverait quelque chose pendant les rites du pèlerinage. De même qu'ils n'ont pas le droit de précéder le sa'i du pèlerinage, mais ils devront faire le sa'i après tawaf al-ifada, comme l'ont fait les compagnons, radiyallahu anhum, qui sont entrés en état de sacralisation pour le hajj depuis la Mecque. Ils n'ont rien fait de cela, ni le fait d'entrer en état de sacralisation depuis la mosquée sacrée, ni le fait de faire un tawaf, ni le fait de faire le sa'i, mais ils sont entrés en état de sacralisation, puis se sont rendus à Mina. Naam, c'est un sa'i obligatoire. Même pour le mutamatia, parce que là, c'est le sa'i du hajj. Et on a dit que le sa'i, c'est un pilier du pèlerinage. Donc le mutamatia, il fait sa umra avec un sa'i, et lorsqu'il accomplira le hajj, il fera le sa'i après tawaf al-ifada. Thalithan, wal qasr wal jam'u fil hajj يستوي فيه الحجاج من الأفاقيين والمكيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام وقد روى مالك في المؤطأ بسند صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. Puis il dit, hafidhahullah, troisièmement, le fait de raccourcir les prières et de les réunir pendant le pèlerinage, quand on parle de al-qasr, c'est comme on l'a vu notamment à Amina, le fait de raccourcir les prières initiales de 4 unités à 2, cela se fait à Amina. Quant au jam, quant au fait de réunir les prières, on le verra par la suite, cela se fait à Arafat et à Al-Muzdalifa. À Arafat, lorsque l'on réunit al-Dhuhr et al-Asr, à l'heure du Dhuhr, et al-Muzdalifa, lorsque l'on arrive le soir al-Muzdalifa, on accomplit la prière du Maghrib et du Isha, raccourci et réuni. Donc il dit, hafidhahullah, que le fait de raccourcir les prières et de les réunir pendant le pèlerinage, cela concerne les pèlerins qui viennent de l'extérieur, comme les Mécois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à ceux qui ont fait le pèlerinage avec lui, faisant partie des gens de la Mecque, de compléter leur prière. Donc il y avait parmi les compagnons qui ont accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des habitants de la Mecque. Et ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raccourcissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de compléter. L'imam Malik rapporte dans son Muwatta, selon une chaîne de transmission authentique, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, qui rapporte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a présidé la prière à la Mecque et il a accompli 2 unités de prière. Lorsqu'il a terminé sa prière, Omar radiyallahu anhu, il a dit aux gens de la Mecque, complétez votre prière car nous sommes voyageurs. Car nous sommes voyageurs. Et c'est ainsi que doit dire également un imam voyageur qui préside une prière et ceux qui prient derrière lui ou une partie de ceux qui prient derrière lui sont résidents. Est-ce que les résidents raccourcissent la prière ou doivent-ils la compléter ? À compléter. Donc si l'imam est voyageur et qu'il préside la prière, une fois qu'il a terminé sa prière, s'il sait que, par exemple, tous les gens derrière lui sont des résidents, alors il dit « Atimmu salatakum fa inna qawmun sufrun » « À terminer votre prière car nous sommes un peuple voyageur. » Et là, les gens derrière se lèvent pour terminer leur et compléter leur prière. Et lorsque Omar radiallahu anhu a présidé la prière à Mina et qu'il a accompli 2 unités de prière, il ne nous est pas parvenu qu'il ait dit une telle parole. Donc, Omar radiallahu anhu, à la Mecque, disait aux gens de la Mecque, complétez votre prière, mais lorsqu'il présidait les prières raccourcies à Mina, il ne disait pas aux gens de terminer, de compléter leur prière. Quant au hadith, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a ordonné aux gens de la Mecque de compléter leur prière. C'est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan, mais selon une chaîne de transmission faible. Les gens de la Mecque raccourcissent et réunissent leur prière pendant le pèlerinage. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils aient le droit de le faire, c'est le fait d'accomplir le rite du pèlerinage. C'est parce que les gens de la Mecque accomplissent le pèlerinage qu'ils ont le droit pendant le pèlerinage de raccourcir et de réunir leur prière. Si par exemple une personne parmi les gens de la Mecque accompagne des pèlerins sans lui-même accomplir le pèlerinage, comme par exemple un conducteur, par exemple un chauffeur, d'accord, qui fait partie des gens de la Mecque, mais qui ne peut pas accomplir son pèlerinage car il est occupé à transporter les pèlerins d'un endroit à un autre. Ou par exemple un vendeur, il y a des vendeurs qui ont des stands, etc., pendant le pèlerinage, et qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Ce sont des gens de la Mecque. Il a peut-être accompli le pèlerinage des dizaines de fois. Et s'il n'est pas en état de sacralisation, s'il n'accomplit pas son pèlerinage, alors les prières qu'il accomplira à Mina, s'il vend ses produits à Mina ou à Arafat, alors il devra les compléter. Car ce qui légitime le fait de raccourcir et de réunir les prières, ce sont les rites. Rabi'an, man dakhala fi al-ihram bil hajj min al-mutamatti'in thumma tabayyana lahu annahu lam ya'ti bit tawaf aw as-sa'y lil 'umrah aw annahu taraka ba'd al-ashwat feehima fa innahu yasir qarina li'annahu bidukhulihi fi al-hajj la majal lahu fi ikmal 'umratihi. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكانت بذلك قارنة. رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات الحج، ويكون عليه في تركه فدية. ماذا قلت؟ نعم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. Quatrièmement, ceux qui, parmi les mutamatti'in, ceux qui entrent en état de sacralisation pour le pèlerinage. Donc le mutamatti' est censé avoir terminé sa umra. Ensuite, le huitième jour de Dhul-Hijja, il entre en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage. Puis, après être entré en état de sacralisation pour le pèlerinage, il se rend compte qu'il n'a pas accompli le tawaf ou le sa'i pour la umrah. Ou il se rend compte qu'il a délaissé un trajet entre al-Safa et al-Marwa ou un tour autour de la Kaaba. Alors dans ce cas, il devient qarin. Dans ce cas, il n'est plus mutamatti', mais il est qarin. Car en entrant dans l'état de sacralisation du pèlerinage, il n'a plus la possibilité de terminer sa umrah. Car on a dit, lorsque l'on entre dans un rite, on est obligé de le terminer. On ne peut pas sortir d'un état de sacralisation comme cela. Donc, ce mutamattir, donc, est entré en état de sacralisation pour accomplir le hajj, et il s'est rendu compte après être entré en état de sacralisation pour le pèlerinage, que soit il n'a pas accompli le tawaf, soit il n'a pas accompli le sa'i, ou soit il n'a pas accompli une partie du tawaf ou une partie du sa'i. Et cela nous prouve également que le fait d'oublier un pilier ne rend pas l'adoration valide. Donc même si cette personne a oublié, il n'a pas oublié une obligation, mais il a oublié un pilier. Un pilier, on est obligé de le faire. Donc cette personne se trouve en état de sacralisation pour accomplir un pèlerinage, or sa umra n'est pas complète et il n'a pas la possibilité de la compléter. Donc il devient qarin. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle était indisposée et son état d'indisponibilité radiallahu anha ne lui a pas permis d'accomplir sa umrah avant son hajj. Or on avait vu que Aïcha radiallahu anha était rentrée mutamatti'a, avait fait l'intention d'accomplir le hajj bitamattu'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné de faire l'ihram bil-hajj, et elle était ainsi qarina, et le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Quant à celui qui a accompli sa umrah, il a fait le tawaf et le sa'i, donc il a eu l'ihram, il a fait l'ihram, il a fait le tawaf, il a fait le sa'i. Donc les trois piliers de la umra sont réunis. Après être entré en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage, il se rend compte qu'il n'a pas rasé ou raccourci ses cheveux. Dans ce cas, quel est son jugement? Le Cheikh Al-Abbad dit, il reste mutamatti'. Mais il a délaissé une obligation de la Umra. Donc, ce rasage ou ce raccourcissement des cheveux qu'il n'a pas fait, peut-il le rattraper? Non, parce qu'il est en état de sacralisation pour le Hajj. Et donc, ce qui est passé de la Umra ne peut être refait. Donc, parce qu'il a délaissé une obligation parmi les obligations de la Umra, alors il devra sacrifier, il devra donner une fidya, une compensation, qui est de sacrifier une brebis ou le septième d'une chamelle ou le septième d'une vache qu'il donnera aux pauvres de la Mecque sans manger quoi que ce soit de cette compensation. ثم قال حفظه الله الوقوف بعرفة. Puis on entame le chapitre de la station à Arafah. Et un cinquième. Naam, tenez un cran. Il y a un ajout dans la dernière version. Cinquièmement, قال حفظه الله المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب وقد حكى ابن المنذر في الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. Donc le cinquièmement, le fait de passer la nuit Laylat Arafah, donc c'est le huitième jour au soir. Le fait de passer la nuit le huitième jour, le fait de passer d'être à Mina, la majeure partie de la huitième, de la neuvième nuit, que cela est recommandé. Et Ibn al-Mundhir rapporte dans son livre Al-Ijma' l'unanimité qu'il n'y a aucun mal à celui qui délaisse le fait de passer la nuit, la neuvième nuit de Dhul-Hijja à Mina. ثم قال حفظه الله الوقوف بعرفة أولا يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر رواه مسلم ولحديث أنس وقد سئل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه رواه البخاري ومسلم. Il est recommandé lorsque l'on se rend donc le neuvième jour de Mina à Arafat. Il est recommandé de se rendre à Arafat après le lever du soleil du neuvième jour. Après le lever du soleil du neuvième jour qui est appelé Yaum Arafah, le jour de Arafah. Cela est rapporté dans le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu. Donc on a vu précédemment que le pèlerin, le huitième jour de Dhul-Hijjah, se rend à Mina, il accomplit les prières de Dhuhr, d'Al-Asr, d'Al-Maghrib et de l'Isha et la prière du Fajr du neuvième jour. Les prières, il les raccourcit mais ne les réunit pas. Donc dès qu'il accomplit la prière du Fajr, il attend que le soleil se lève. Et c'est après le lever du soleil qu'il se rend à Arafat. La preuve est le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, rapporté par Muslim. Naam, cela est prouvé dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Et le pèlerin qui se rend à Arafat, se rend à Arafat en faisant le takbir et la talbiyah. En faisant le takbir et la talbiyah. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qui dit, nous sommes partis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mina vers Arafat. Parmi nous, il y avait ceux qui faisaient la talbiyah et parmi nous ceux qui faisaient le takbir. Hadith rapporté par Muslim. La preuve également est le hadith de Anas qui a été questionné. Que faisiez-vous ce jour-là en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que faisiez-vous comme acte ce jour-là en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, كَانَ يُهِلُّ مِنَّ الْمُهِلِ. Il y avait ceux parmi nous qui faisaient le tahlil et personne ne leur faisait de reproches. Et il y avait parmi nous ceux qui faisaient le takbir et personne ne leur faisait de reproches. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثانياً إذا وصل إلى عرفة نزل بها وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به وقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. Deuxièmement, lorsque le pèlerin arrive à Arafat, il reste là-bas. Et le pèlerin se doit de vérifier qu'il se trouve bien dans la terre de Arafat. Et ceci, cette vérification, se fait en constatant qu'il est bel et bien à l'intérieur de la délimitation. Et la délimitation de la terre de Arafat est délimitée par de grands panneaux visibles, visibles de loin, qui délimitent le début et la fin de la terre de Arafat. Car le fait de rester à Arafat est un pilier. Le Hajj ne peut être complété et ne peut être valide que lorsque ce pilier est accompli. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajj Arafat ». Le pèlerinage, c'est Arafat. Et cela a été précédemment cité dans le chapitre des piliers du Hajj et de la Umrah. ثالثاً يبدأ زمان يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله عنه وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال ولو لم يحصل الوقوف من الحج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه على ذلك. Troisièmement, donc ici Cheikh Al-Abbad dans ce troisième point va définir les moments dans lesquels l'on reste à Arafat. Il dit que la station à Arafat commence après que le soleil ait dépassé son zénith, le jour de Arafat, et ce moment s'étend, et cette durée s'étend jusqu'à l'apparition de l'aube de la nuit du dixième jour. Autrement dit, le temps dans lequel on reste à Arafat, ou ici, pour être plus précis, le temps dans lequel celui qui il se trouve à Arafat, eh bien, cela, sa station à Arafat est valide. Donc il dit, Hafidhahullah, que ce moment commence du moment où le soleil dépasse son zénith jusqu'à l'apparition de l'aube de la nuit du dixième jour, donc de la dixième nuit. Et comme on a vu, les nuits précèdent le jour. Donc, naam. Donc, on a le jour de Arafat qui est le neuvième jour. Ensuite, on a le soir. Donc, il y a toute la nuit. Donc, on a toute la journée du neuvième jour et la nuit du neuvième jour. Mais en fait, la nuit du neuvième jour, comme les nuits précèdent le jour, c'est pas la nuit du neuvième jour, mais c'est la nuit du dixième jour. Pour ça que le cheikh dit, min laylati yawm an-nahr, de la nuit du jour du sacrifice. Naam, jusqu'au fajr de la nuit du dixième jour. Naam, jusqu'au fajr du Eid. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Arafat après que le soleil ait dépassé son zénith. On avait vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons lui ont monté une tente à Namira. Et Namira se trouve à l'extérieur de Arafat. D'accord? Et c'est après que le soleil ait dépassé son zénith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Arafat, comme le cite Jabir radiallahu anhu dans son récit. Et certains savants considèrent que la station Arafat commence depuis le fajr du jour de Arafat. Donc certains savants disent que le moment à partir duquel on se rend à Arafat, où la station Arafat est valide, c'est après le Zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith du neuvième jour. D'autres savants ont dit non, c'est avant, c'est à partir du fajr. Après l'apparition de l'aube du neuvième jour, c'est à partir de ce moment-là que la station est valide. La preuve de ces savants est le hadith de Urwa ibn Mudarris, radiyallahu anhu, qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifah, bil-mawqif, ya'ni jam'a, c'est-à-dire Al-Muzdalifah. Et ce compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je viens à toi depuis la montagne appelée Taï. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akleltu matiyati, j'ai fatigué ma monture, wa at'abtu nafsi, et je me suis moi aussi fatigué. Par Allah, je n'ai pas laissé un monticule sans que je sois resté dessus. Autrement dit, il ne savait pas où était Arafat. Et de peur de ne pas rester à Arafat, chaque monticule dans lequel il montait, il restait dessus pour que le wukuf soit valide. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ai-je un pèlerinage? Hal li min hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, celui qui accomplit cette prière. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'accomplir la prière du fajr à Al-Muzdalifah, donc la prière du fajr du dixième jour. Celui qui accomplit cette prière et s'est rendu à Arafat avant cela, de jour comme de nuit, de jour ou de nuit, alors son pèlerinage est complet et il a accompli ses rites. Et les savants ont utilisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'est rendu à la Mecque, à Arafat, pardon, de jour ou de nuit. Et le jour commence quand? Commence à partir après le fajr. Et il se termine au maghrib. Et la nuit commence du maghrib et se termine au fajr. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, selon une chaîne de transmission authentique. Naam. Ensuite, Cheikh Al-Abbad dit, celui donc qui se trouve à Arafat avant le zénith, qu'il ne se contente pas de cela jusqu'à rester après le zénith. Jusqu'à rester après le zénith. Puis il dit, Hafizahullah Ta'ala, et si un pèlerin ne reste à Arafat qu'avant le zénith. Puis s'en va. Il est resté à Arafat avant le zénith. Puis il est parti de Arafat avant le zénith. Il dit, hafidhahullah, que sa station à Arafat est valide. Que sa station à Arafat est valide. Et pour preuve, le hadith de Urwa ibn Mudarris, dans lequel le professeur sallam a dit, et qui s'est rendu auparavant à Arafat de jour ou de nuit. Donc, le pilier, il est valide. Par contre, et on verra par la suite, que l'obligatoire qui lui est obligé de rester jusqu'au coucher du soleil. Non. Donc, il y a un ajout dans la nouvelle version. Non. ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب. Comment a lieu, de quelle façon a lieu la station à Arafat? De quelle façon a lieu la station de Arafat? Il dit, حفظه الله, que la station à Arafat a lieu de par la présence du pèlerin dans l'enceinte de Arafat. À partir du moment où il est dans l'enceinte de Arafat, il est considéré comme faisant la station de Arafat, qu'il soit en déplacement, qu'il soit sur une monture, qu'il soit debout, assis ou allongé. Quelle que soit la position dans laquelle il est, qu'il soit en mouvement ou qu'il soit à l'arrêt, dans tous les cas, il est considéré comme faisant la station à Arafat. Sakallahu khaira. Rabi'an. Wa man waqafa bi Arafat naharan kharaja minha ba'da ghurub ash-shams la qablahu kama fi hadith Jabir at-Tawil wa taqaddama fi wajibat al-hajj wal-umrah. Quatrièmement, celui qui se trouve à Arafat, celui qui fait la station à Arafat de jour, il devra en sortir qu'après le coucher du soleil et non avant, comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu an, et cela a été cité précédemment dans le chapitre des obligations du pèlerinage et de la umrah. Khamisan, yusalli al-hujjaj fi arafat al-dhuhr wal-asr fi awwal waqt al-dhuhr qasran wa jam'an bi adhan wahid wa iqamatayn كما في حديث جابر رضي الله عنه ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. Puis il dit, حفظه الله, le cinquième point. Les pèlerins à Arafat prient la prière de Dhuhr et de Al-Asr au début de l'heure de Dhuhr. Et ils accomplissent ces deux prières raccourcies et réunies avec un adhan et deux iqamah. Avec un adhan et deux iqamah. Une iqamah pour la prière de Dhuhr et de suite après, une iqama pour la prière de, après la prière de Dhuhr accomplie, une deuxième iqama pour la prière de Al-Asr. Comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu an. Puis il dit, hafidhahullah, wa yustahabbu lil imam. Et il est recommandé à l'imam. Ou à celui qu'il délègue d'exhorter les gens après la prière de Dhuhr et de l'Asr, avant la prière de Dhuhr et de l'Asr, il fera une exhortation, un prône, un prêche, dans lequel il expliquera le reste des jugements et des rites du pèlerinage et autres, bien sûr, ceci en prenant comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est cité dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala an. Ainsi, La parole de Cheikh Al-Abbad, l'imam. Ce n'est pas l'imam. Imam. C'est le gouverneur. C'est le gouverneur. وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَيْ وَلِي الْأَمْرِ. Il est recommandé au gouverneur, c'est-à-dire au Wali al-Amr, c'est le représentant, le gouverneur, ou ceux qu'il délègue, ou celui qu'il délègue d'exhorter les gens. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux termes que les savants utilisent. أو نائبه. Parce que des gens peuvent dire, ok, donc le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abed autorise que les imams, dans chaque tente, fassent la khutbah. Soit il le fait, ou soit il délègue quelqu'un. Pourquoi un imam déléguerait, premièrement? Si on parle d'un imam qui préside les gens, et qui exhorte les gens dans les différentes tentes de Arafat. On aurait pu comprendre cela, mais ce n'est pas ce que le Cheikh Hafidhahullah a voulu dire. Ici, il parle de l'imam Wali al-Amr, ou celui qui est délégué. Et à notre époque, est-ce que le gouverneur et le roi d'Arabie Saoudite a désigné une personne pour faire la khutbah de Arafat? La réponse est oui. C'est le mufti actuel. Et c'était le prêcheur et celui qui donne le prône de Arafat bien avant qu'il soit le mufti, al-Sheikh Abdelaziz, al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala. Donc, c'est lui qui fait la khutbah, et personne d'autre. Et, alhamdulillah, il y a un certain nombre de haut-parleurs qui sont positionnés à Arafat, et qui retransmettent en direct la khutbah de l'imam. Et pour ceux qui n'ont pas d'haut-parleur à proximité, eh bien, cette khutbah est également diffusée en direct à travers les ondes radio, à travers les différentes stations de radio qui sont à la portée de tout le monde. Qui sont à la portée de tout le monde. Et nous, personnellement, c'est ce que l'on fait. L'on branche un équipement radio sur une enceinte, et ainsi les pèlerins présents dans la tente écoutent tous en même temps la khutbah du mufti. Éventuellement, on fait une traduction brève après la khutbah, et ensuite on accomplit les prières de Dhuhr et de Al-Asr. Et j'ai personnellement posé cette question à certains mashayikh qui m'ont répondu effectivement que il n'y avait qu'une seule khutbah, qui était la khutbah de l'imam ou de son représentant. Donc, inshallah ta'ala, on va s'arrêter ici aujourd'hui car l'heure de l'Isha est entrée. Wa jazakumullahu khayran.